Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Cold du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter comme d'habitude 8 artistes fabuleux, comme Tonton David, Snoop Lion, Bob Marley, Gregory Isaac, sans oublier Dami Kiss, Johnny Nash, Rasta Rockets et Grézou. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Tonton David. Il est actif depuis les années 88, la chanson se nomme La Gagne. Et il est accompagné du groupe Intouchable. La chanson est sortie en 2007 et vous allez voir, c'est juste une tuerie. Allez, c'est parti les amis. Yeah, Pablo, Et patron, Intouchable, tonton David, man. Eh mais qu'est-ce qui se passe, Pablo, Pablo, Si tu cherches pas la gagne, c'est ça la merde qui trouve, c'est ça la merde pour tous. Dans la vie, non, faut pas perdre de temps. Inutile de refaire les erreurs de tous les perdants. Dès les pertes dedans, tu vas pas apprendre que tous les mauvais garçons finissent pas toujours vieux. Attends un peu, puis ensuite prends-toi en main. Racaille pas trop dehors avec les uns qui les voisins sur les engins. Fais pas le fou, t'as oublié les pépins que peuvent causer les deux roues. Issu du 2000 zoo, je me foutais de tout. De mon bac, de la bac, je voulais le cash sur tout. Mais le black ex, pack du intouchable, DRY. Assume mettre ses mains à carreau pour enfin la mettre sur des kilomètres, il n'y faut. Mâche pas mes mots, mate ma démo. Si tu lis, oui, quel ghetto. Tu peux le bloquer sur mes mots si t'as pas suivi mon flow, ouais. C'est tellement speed que je suis déjà sans Remo, ouais. Mon grand, fais pas le con, mets tes gants et ton écharpe. Écoute les conseils des parents, y'a tant de choses qui nous échappent. Eh, hey, traîne pas dehors, t'as plus de temps pas sur ton sort. Beaucoup de gens perdent le nord, merci toi si tu t'en sors. Auto, méfie-toi, fais attention à tes fréquentations. Sous la pression, elle change de direction. Même en tant que faut toujours ta directive. Laisse tomber le bis, c'est l'étoile ou la vie active. J'y sais, je réagissais, les poils hérissés. Les chavons remplissaient, les chefs on méprisait. Je pensais qu'on pouvait pas quitter le ghetto français. J'étais impuissant, foutu de rage, je me souciais. Puis j'ai pris ton sang, j'ai trop vu passer ma chance. En équilibre sur une chaise, je suis parti dans tous les sens. Si t'as pas suivi mon flow, c'est que t'es encore dans le fou, ouais. Mérite les choses à la sueur de ton front. Si tu cherches pas la gagne, c'est ça la merde qui trouve, c'est ça la merde pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, si tu cherches pas la gagne, c'est ça la merde pour tous. On veut tous plus de ouf. Démon One, des voix, je me lève plutôt d'habitude. Je passe mes journées au sud, mais pendant la canicule, moi je recule pas. Un pied dans la rue et un autre dans la musique. Mon style est classé, comédie, dramatique. Je pars pas longtemps en même temps, je suis sur plein de plans. J'ai mes arrangements, je fais sourire comme le printemps. J'ai la gouache, mais de tout le monde je crache. Tous mes joints de hache, en dévalant les marches. J'ai du diesel dans les veines, ils ont cloné mon ADN. Ils font bosser des Morissettes pour faire des démons à la chaîne. J'ai des mains sans starter, je mène ma vie à 200 à l'heure. Acharné au taf, il faut bien plus que 35 heures. Tu veux les clés, moi je possède déjà un trousseau. Tu voulais prendre le fleuve, mais trouve d'abord le ruisseau. C'est bon signe, comme un profond dans le temps additionnel. Speed, comme après un shot émotionnel. Un bilo foot comme en rime, je suis speed. Déblatère un max quand l'arbitre me prend un 6 pour 6. Je suis précis comme un Mac 10. Vite et souple comme un athlète. Crois jamais en manque de souffle, je cours à la conquête de la maille. Non pas c'est du garage de mon viral. Pas sur les impôts, mais toujours est la paille. Entouré de mes canailles, comme toujours on a les crocs. Trop d'entailles dans la peau pour oser voir le rétro. Eh, hey, dans mon ghetto, t'es malin ou simplet. Bon, y'a toujours moyen de finir comme un mec refait. Évite les arrêts, bombardo stop. Traîne pas trop vers l'arrêt, évite le spot. Tu veux clasher, mon vieux, t'as pas vu mes potos. Tu veux nous chercher, bah trouve d'abord le métro. C'est la poisse qui te fait louper ta conditionnelle. Sache qu'on sera toujours opérationnel. 67 tontons sur la planète. Respect papa, merci la matière. Depuis on a passé 2000 et mon pouce. Une lettre des impôts, y'a la patronne qui tousse. Donne-moi un bike, une bonne zig, un truc fort qui déroule. On déballe le rythme tout chousse. 2005 agace avec intouchable, faire danser les équipes et déstresser Panam. Doucement drague, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement démon, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement d'avoir la vie, ils savent pas ce qui nous pousse. Qu'est-ce qui se passe si demain Starac nous propose des housses. Doucement Carlito, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement Big Nas, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement intouchable, ils savent pas ce qui nous pousse. Même avec un prix, ils savent pas ce qui vous pousse. Si tu cherches pas la gagne, ce sera la merde qui trouve. Ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, si tu cherches pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Eh bien voilà mes chers Rasta, c'était Tonton David avec le groupe Intouchable La Gagne. Je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Snoop Lion. Il va chanter la chanson La La La. Eh oui, un titre très facile à retenir, n'est-ce pas? Elle est sortie en 2013 et c'est pareil, je pense que vous allez apprécier ce morceau. C'est parti. Sugar. Them a walk in a town about this one. Them a laugh and go on about that one. Hey, what you want, you can't get it, get it. And the problem will get real dready, dready. Say, who feels it knows? And I suppose that you never know. Reap what you sow. Can't plant the corn when the peas won't fit grow. No. La la la la la la. Eh bien voilà les amis, c'était La La La de Snoop Lion. Pour notre prochain artiste, je vous ai mis du très très lourd. Je vous ai mis Bob Marley. Eh oui, ce grand chanteur reggae. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur sa vie personnelle, car je pense que ça intéresse tout le monde. Allez, c'est parti. Il est né le 6 février 1945 à Sainte-Anne, en Jamaïque. Sa chanson que nous allons écouter s'appelle Natural Mystique, et j'espère qu'elle va vous plaire les amis. Allez, c'est parti. Natural mystic flowing through the air. Eh bien voilà les amis, c'était le grand Bob Marley. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme Gregory Isaac. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Night Nurse. Try your best just to make it quick. Pour my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse. Only you alone can quench this thirst. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Voilà les amis, c'était Gregory Isaacs. Poursuivons maintenant avec un chanteur de reggae français, il s'appelle Damikis. La chanson se nomme Le temps est passé, je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Vous savez bien que la vie dure un instant. alors profitez de ce que vous aimez. Ne remettez pas la faute à vos parents. Si sous cette étoile vous êtes né, ne reprochez pas à vos enfants. Si quelquefois ils se sont trompés, oui, oui. Car tout le monde sait quand on est jeune, on peut commettre pas mal d'erreurs. Des commentaires, des réflexions qui nous font taire, chacun le prend à sa façon. On grandira tous, on se rendra compte que la vie c'est faire à sa façon. Rappelle-toi bien ce que je vais te dire, je suis en colère. Ils essayaient de faire de leur mieux quand ils étaient jeunes. Ils ont dû prendre certaines décisions. Ils ont tout fait pour nous voir heureux. Ils ont veillé à notre éducation. L'ambiance était chaleureuse entre nous tous. On rigolait bien à la maison. Tout le monde s'aimait, c'était le bon vieux temps. Mais rien à faire, rien ne reviendra comme avant. Quelle superbe chanson, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour notre prochain artiste, je vais vous faire une petite devinette, comme à chaque fois. Allez, c'est parti, c'est un chanteur et guitariste américain. Il est né le 19 août 1940 et Bob Marley a repris l'une de ses chansons. Allez, je vous laisse réfléchir quelques instants et je vous dis la réponse et je parle bien de Johnny Nash. La chanson est Stereo Up. Allez, c'est parti. Darling, Les amis, c'était Johnny Nash, Siri Up. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui se fait appeler Rasta Rockets. Eh oui, comme le film. Et d'ailleurs, cette musique passe dans le film Rasta Rockets, justement. Elle s'appelle Rise Above It. Vous allez voir, vous allez adorer pour ceux qui ne connaissent pas. C'était Rise Above It. Les amis, cette émission est déjà presque finie. Ah là là, les minutes passent tellement vite à vos côtés. C'est déjà notre dernier chanteur. Ah là, c'est fou. C'est incroyable. La chanson est de Grisou et elle s'appelle Le Tour du Monde. J'espère que pour cette dernière chanson, elle va vous plaire. Parce que moi, personnellement, j'adore. Car je suis parti sans prévenir, c'était le désordre dans mes rêves et j'avais besoin de faire le vide, ça déçoit peut-être. Mais tu savais que je voulais partir, préviens mes proches, dis-leur tout va bien, je suis en vie. Maintenant laisse-moi décrire un peu comment ça s'est passé. La routine j'en pouvais plus et j'en avais marre de taffer. Même si je gardais le sourire, je savais qu'un jour ça arriverait. Ici moi je pète un plomb, pourtant des efforts j'en ai fait. Bref, si je t'écris cette lettre, c'est pour te raconter mon voyage, faire profiter de ma vie et de tous ces beaux paysages. Si le bonheur est partout, on le lit même sur les visages. J'essaie d'en profiter, garder dans ma tête ces images. Si tu voyais ces gens que j'ai rencontrés, yeah. J'ai plein d'histoires à te raconter, ouais. Parfois c'est dur, je dis pas le contraire. suis pas comblé, hein. Mais j'aimerais que tu sois à mes côtés, pouvoir faire le tour du monde, profiter de chaque seconde, m'assurer que la terre est ronde, faire ce que mon cœur demande et vivre juste dans l'instant présent. Ouais, faire le tour du monde, profiter de chaque seconde, crois-moi de la marche, oui j'en ai fait. Pour lui, travailler pour l'argent c'est être esclave. Il dit qu'il est libre, personne peut lui enlever ça. Il dit la nature ça me fascine, crois fort en tous ses signes, fait tout pour être heureux même si c'est pas facile. Il a deux enfants qu'il voit peu souvent, il les a inscrits à l'école, c'est si important. Pour lui, c'est une richesse d'être instruit, ça leur permet d'avoir le choix de leur mode de vie. Même s'il espère qu'un des deux voudra vivre et vieillir au village, qu'il pourra lui enseigner ce qu'on lui a appris à son âge. Par le système se font avoir. Il part que t'es les deux modèles, soit rendre bien trop tard. Il sait, sa culture est vouée à mourir. Si que c'est de sa faute qu'il n'a pas vu ses enfants grandir. Ce soir, Kawapé pleure, me dit j'ai comme une épine enfoncée dans le cœur. Alors, je lui explique qui je suis, surtout pourquoi je suis là. Quand il a compris, je l'ai vu essuyer ses larmes. Je lui dis que sa culture m'avait comblé et que son histoire j'irai raconter quand j'irai faire le tour du monde. Enrichir de chaque rencontre. Partager, être quelqu'un de bon. Faire ce que mon cœur demande et vivre juste dans l'instant présent. Ouais, faire le tour du monde. M'enrichir de chaque rencontre. Partager, être quelqu'un de bon. Faire ce que mon cœur demande et vivre juste dans l'instant présent. Voyager, c'est n'avoir rien à perdre. N'avoir rien à perdre, au fond c'est être libre. Je crois que le destin m'appelle. Il me dit, suis ta route, fais le vide. Yeah, non. J'ai pu combattre ma peine, le temps s'arrête, saisis la chance d'être en vie. Vu que je courais à ma perte, j'irai marcher vers l'avenir. Car faire le tour du monde, c'est n'avoir rien à perdre. Profiter de chaque seconde, ça permet d'être libre, devenir quelqu'un de bon. Ici je cours à ma perte, vivre l'instant présent et puis marcher vers l'avenir. Faire le tour du monde, c'est n'avoir rien à perdre. Profiter de chaque seconde, ça permet d'être libre, devenir quelqu'un de bon. Ici je cours à ma perte, vivre l'instant présent et puis marcher vers l'avenir. Tu danses. Profiter de chaque seconde, devenir quelqu'un de bon. Vivre l'instant présent et puis lancer vers l'avenir, faire le tour du monde. Profiter de chaque seconde, devenir quelqu'un de bon. Vivre l'instant présent et puis lancer vers l'avenir. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet, salut tout le monde.